que va nous dire le Béline? Quel est son message pour nos amis cancers pour le mois de mai 2022? Alors, pour les cancers, que va nous dire le Béline pour le mois de mai 2022? On a du retard dans des rentrées d'argent, apparemment. Donc déjà, bah, si on le sait, un homme prévenu en vaut deux. Déjà, on peut moins s'inquiéter. Alors, je me concentre sur le tirage. Quel est le message du Béline pour les cancers pour le mois de mai 2022? Alors, je découvre au fur et à mesure, en même temps que vous. Tiens, il y a un nouveau départ, un nouvel envol apparemment. Vous voulez aller... Alors, par rapport à des difficultés que vous avez eues dans le passé, peut-être que vous avez quitté un emploi ou perdu un emploi, peut-être que vous avez laissé tomber un projet qui vous tenait à cœur et vous avez besoin d'évoluer. Alors, il est possible aussi qu'il y ait une rupture. Mais ici, j'ai plus l'impression, c'est très global hein, comme tirage, déjà c'est pour tous les cancers, mais ça parle un peu de tous les domaines de vie, ça parle surtout de vos ressentis, de ce que vous allez vivre au mois de mai. Par rapport à une coupure, à un changement de vie que vous avez eu dernièrement, vous avez vraiment besoin d'évoluer, d'avancer. Heureusement, il y a des bonnes ondes au-dessus de votre jeu, des ondes d'affection, d'amour. Vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent. Et tant mieux parce que vraiment, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, à commencer un nouvel emploi, à commencer une nouvelle activité, à commencer un nouveau couple. Vous êtes vraiment apparemment un mi-cancer au mois de mai dans un élan de renouveau après une fin. C'est vraiment une renaissance pour vous le mois de mai dans beaucoup de domaines de vie. Alors évidemment, chaque cas va être particulier. Hein, je ne peux pas commencer à faire un tirage pour chacun d'entre vous à mi-cancer. Mais c'est vrai que la dynamique, c'est enfin une espèce de renaissance par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui est en train de se terminer, un chapitre qui se clôt, et c'est le moment d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Alors c'est très beau, donc faites au mieux.